J'ai besoin de vacances. Je m'occupe de cet endroit depuis 15 ans et j'ai pas pris une journée de congé. La nuit, le jour, je travaille dur, faut bien payer toutes ces factures. Comme c'est triste. Et malgré tout ce que j'endure, mes poches sont vides jusqu'aux doublures. C'est trop triste. J'ai rêvé d'un plan d'enfer. Si je dégotais un Rockefeller, j'aurais plus besoin de trimer, je pourrais dépenser sans compter. Money, money, money. Comme ça court pas les rues, mais dans mes rêves, moi je l'ai vu. Il existe. Et même s'il est célibataire, je parie que je saurais plus y faire. C'est trop triste.